faut la folie et je le reconnais qu'on a la classe. Shaitan veut qu'on stoppe avec ses vices, il veut qu'on s'écrase. Avec elle je suis en roue libre, quand je vois son rire j'oublie tout, je plane. La boule au ventre, rien qu'en parlant d'elle, faites entrer les basses. Les jaloux veulent nous mener en bateau, tous ces mythos veulent la guerre. Mais va leur dire qu'il y aura well ou elle et moi on fait la paix. Je vois que ça nous suit à la trace, les haines s'entassent, ça devient de la folie. Et toi t'oses me dire qu'elle n'est pas faite pour moi, occupe-toi de ta vie. Cette fille je la connais, mais toi tu es qui, on se connaît. Dis-moi tu es qui pour juger, c'est elle et moi donc repars d'où tu étais. Jetez l'œil, je vous embrasse, jetez l'œil, je vous embrasse. Nous on restera soudés, yeah. Ne les calcule pas, laisse-les faire les 100 pas. Cette fille je la connais, mais toi tu es qui, on se connaît. Dis-moi tu es qui pour juger, c'est elle et moi donc repars d'où tu étais. Jetez l'œil, je vous embrasse, jette ton œil, moi je t'embrasse. Nous on restera soudés, yeah. Ne les calcule pas, laisse-les faire les 100 pas. J'calcule personne, nous deux, c'est pas du semblant. Toujours fidèle, on est plus soudés qu'avant. Toi c'est moi, moi c'est toi évidemment. Là ils vont le jeter, jeter, jeter jusqu'à quand. Moi je te connais, avec toi je vivrai le pire. Mais aussi le meilleur, c'est notre enfant qui nous fera sourire. Ils sont tous en abonnés, c'est des rageux, rageux, oui. Ils sont là pour décorer, qui va nous séparer, qui. Ces mythos veulent la guerre, mais va leur dire qu'il y aura well ou elle et moi on fait la paix. Je vois que ça nous suit à la trace, les haines s'entassent, ça devient de la folie. Et toi tous me dire qu'il est pas fait pour moi, occupe-toi de ta vie, ouais. Cette fille je la connais, mais toi tu es qui, on se connaît. Dis-moi tu es qui pour juger, c'est elle et moi donc repars d'où.